Guillermo Wills qui est là. Guillermo, il l'a mis dans le calice. Bonjour les amis, il est beau ça. Bonjour les beaux. Salut, c'est un beau mec. Merci, vous êtes déjà. T'as pas un truc aux cheveux. Absolument. Je comprends pas quand il parle, mais il s'est lavé, c'est tout. Dans le Thalys, contrairement à certains. Comment dire, en Belgique, il a fait sa tête. J'étais dans le Thalys, c'est Paris un peu en retard. Donc alors les amis, vous allez bien? Alors pas plus tard qu'il y a 37 heures, j'ai reçu un coup de fil hyper important de quelqu'un que vous connaissez pas pour une raison que je vous révélerai jamais. Voilà, c'est comme ça, j'ai une part d'ombre, je suis quelqu'un qui a un secret, faut m'accepter comme je suis. Avant ce coup de fil, sur quoi je tombe, Virouille, sur quoi je tombe? Sur une double page de Libération qui dit que de plus en plus de jeunes français seraient en panne de libido. Quoi, c'est une blague, pas nous, quoi, pas la France, pas la France. D'abord on perd l'Algérie, maintenant ça. Alors, j'étais le premier, c'est vrai, c'est terrible. J'étais le premier à lire ça. C'est pas pour taper dans le cliché, mais bon, jusqu'à pas longtemps, le petit français avait quand même une street cred dans le milieu de la chambre à coucher, quoi. Je veux dire, en 65, tu voyais Alain Delon, tu disais, lui, il nique, tu vois, lui, il casse des portes. Hein, franchement, c'est vrai, vous aviez une réputation. Vous aviez une réputation. Guillermo, vous aviez une réputation. C'est vrai, l'Institut des MST, il était pas à Dubrovnik quand même, hein. Il était chez vous, il était à Carcassonne. Mais là, apparemment, c'est terminé. J'en parlais encore avec Leïla sur le chat du Minitel. Elle me disait, oui, c'est la galère, les petits aujourd'hui sont blasés. Tout. Toi tu rentres du JT, t'as un peu le mordant, et les mecs qui préfèrent mater l'air diff du biathlon, etc. C'est le déclin. Et alors fondamentalement, c'est triste parce que le sexe c'est quand même ce qu'il y a de plus chouette au monde après la burrata, on est d'accord? Non mais c'est vrai! Il y a deux trois pauses qui ont encore un côté ludique, non? Putain, à qui je demande aussi. Et du coup, Libé s'est inquiété de savoir d'où ça venait, cette perte de désir, d'où ça vient. Alors il y a plusieurs explications. Nagui, naturellement, qui siphonne à lui seul 30% de la testostérone de France et du bassin de l'Assemblée. Pareil qu'on l'appelle le ninja dans les clubs à plusieurs. Et alors, autre explication. C'est qu'après mes 68 et la contraception, en fait, le côté trop de liberté sexuelle aurait tué le désir, en fait. C'est ce qu'il disait, donc c'est pour ça que des gens comme Daniel Morin restent concentrés sur tout ce qui est illégal ou au moins réprouvé socialement. T'es chaque fois à deux doigts de la fin de carrière, mais tu gardes encore l'excitation, hein, évidemment. Et puis surtout, et on arrive peut-être enfin dans le cœur de ce billet qui, je trouve, a quand même mis longtemps à décoller, hein, en termes de propos. Ça met longtemps. Non, c'est chaque fois en plus, plus efficace, une blague, une pertinence, une blague, une pertinence, c'est ça qu'elle attend de toi, Radio France. Mais c'est justement là le problème, les amis. La perte de désir s'explique aussi par cette espèce de culture de la performance qui moi me donne envie de crever dans une fête foraine. C'est ce qui bloque complètement les jeunes français et aussi les Belges de 35 ans qui chroniquent dans la bande originale une fois par semaine à côté de Leïla pour différentes centaines d'euros. Alors on a la pression tout le temps, c'est vrai. Toi tu fais ton petit possible, t'entends hey, alors cet orgasme c'est pour aujourd'hui ou pour demain? J'ai dit, putain quoi, même dans un lit t'es encore au boulot quoi, putain ça s'arrête jamais quoi finalement. Comment ça t'es fatigué, tu veux qu'on fasse appel à un ami, c'est ça? Plus fort, je m'en fous, t'as des palpitations, j'ai un défibrillateur, tout va bien dans la cuisine s'il le faut. Alors je veux dire, faut être au top en permanence, au taf, au lit quoi. Vous trouvez pas que le sexe en 2017 il manque de compassion cruellement? Si. Non, putain, qui je demande moi aussi? C'est la faute de Jésus! C'est la faute de Jésus, les gars, c'est vrai! Jésus il s'est pas occupé de ça! Il était dans son truc de ouais, mon père ceci, mon père cela, de toute façon moi je crée une civilisation, le cul c'est un truc de beauf, etc. Et du coup, c'est vrai, du coup personne s'inspire jamais de Jésus dans un lit, c'est vrai! Alors que je suis sûr que Jésus au lit, il aurait été dans la compassion, dans l'acceptation de l'autre, quoi. Voilà, t'es sèche, ok, on regarde un documentaire, c'est pas la fin du monde! Non, plus fort Jésus! Brise-moi une vertèbre, hop hop hop, ceci est ma demi-molle, je t'en fais cadeau! C'est vrai, voilà, pour la pénétration c'est pas l'idéal, mais si t'as le sens du comité de situation, tu peux complètement t'en servir comme cornet de téléphone. Voilà, et en plus, non, c'est vrai, et je te le change vraiment, cornet de téléphone, si tu le veux vraiment. Alors, non, je peux faire des trucs miracles comme ça. Alors, et dans un lit, c'est vrai, il aurait foutu la pression à personne, Jésus. Il aurait été dans le pardon. Je sais qu'Éric Emmanuel Schmitt, il est très croyant, etc. Mais je suis sûr qu'il est d'accord avec moi. Et que s'il l'est pas, c'est pas grave, ça va être une fin de chronique très gênante. Mais peu importe. Face au capitalisme de la turgescence, je réclame le droit à la débandade. Flask is the new dur, putain. Allez, bonne émission, les amis. Oh, ouais, j'ai envie. Thank you.